Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans l'éducation populaire en cette journée du 116 mars, en cette journée ensoleillée. Donc au programme, aujourd'hui Muriel va nous parler de comment introduire les pédagogies alternatives. Après à 17h, Ulysse va nous parler de la crise et donc la destruction du lien social. Et à 18h, Patricia va nous parler des républiques des enfants. Donc je vais laisser Muriel se présenter et faire son sujet sur les pédagogies alternatives. Et va suivre une bonne demi-heure de débats et de questions si vous avez. Tenez, on va juste augmenter. Merci beaucoup. Bon, alors, une présentation rapide. Je suis un prof à la retraite, mais pas tellement à la retraite, puisque je continue à enseigner, en fait, dans une université populaire à Créteil. Et j'ai enseigné, effectivement, à partir de l'âge de 25 ans, à peu près tout et à peu près partout. Voilà, pour faire simple. Donc, je vais essayer de tenir les temps. J'ai appelé ça plaidoyer pour les pédagogies alternatives. Alors, l'entrée en matière, j'ai raconté déjà, en passant ici, il y a 3 semaines, un petit peu par hasard, je suis tombée sur un débat qui suivait une des interventions. C'était relatif à l'enseignement, et il y avait un homme adulte d'une quarantaine d'années qui exprimait sa souffrance à l'égard de la scolarité. Il y avait aussi une femme, une mère apparemment, avec son grand-fils, qui n'a pas exprimé sa souffrance, mais on sent qu'elle était là, on sentait qu'elle était là aussi. Et donc on peut dire que souvent, derrière les souvenirs scolaires, on découvre de la frustration, de la déception, des blessures. Et je voudrais partir du biais de cette souffrance-là, pour aborder le problème crucial d'une nécessaire réforme pédagogique. Alors, en guise d'introduction, je vais commencer par la pédagogie classique. C'est une pédagogie de la norme. C'est-à-dire que schématiquement, à chaque instant dans une classe, eh bien, c'est le même pattern sous-jacent. Alors, je prends pattern parce que c'est patron dans le sens couturier du terme, hein. Chaque élève est supposé faire la même chose au même moment. Chaque élève est supposé avoir acquis préalablement les mêmes bases théoriques et pratiques. Chaque élève est supposé assimiler de la même manière ce qui fait à un moment donné dans la classe l'objet de l'apprentissage. Or, c'est illusoire. Et pour une raison fondamentale, c'est que ce système-là méconnaît la singularité de chaque enfant. Et ça va avoir pour effet d'accroître le temps passant, les écarts entre les compétences tout au long de la scolarité. Alors de là, la politique dite de l'orientation, mais en réalité de la sélection, et qui va au bout du compte donner effectivement un fondement à une supposée légitimité des clivages socio-professionnels ultérieurs. Autrement dit, plus cette pédagogie va et plus elle échoue à atteindre l'objectif qu'elle paraît s'assigner, c'est-à-dire celui d'un savoir universel, universellement dispensé à tous. Alors, elle ne peut donc maintenir cette illusion qu'à condition d'éliminer périodiquement une partie des effectifs, les élèves qui sont supposés ne plus pouvoir, entre guillemets, suivre. Chaque enfant est en effet singulier, c'est-à-dire unique. Alors, indépendamment des composantes de la personnalité, il existe un certain nombre de clivages fondamentaux qui vont les mettre dans des postures complètement différentes vis-à-vis de l'enseignement. Alors d'abord, relativement bien sûr, on le sait tous, aux compétences qui sont acquises en dehors de l'école. Il est certain que dans une famille où l'on est cultivé, où l'on est en mesure de répondre aux questions de l'enfant parce qu'on a le temps, parce qu'on est capable de le faire, on lui donne immanquablement les outils de la réussite scolaire. ne serait-ce que par l'étendue du vocabulaire qu'il peut acquérir de cette façon-là, sans contrainte, justement. Exemple, eh bien, les mots dont le sens lui est acquis hors l'école lui rendront immédiatement intelligible le texte de français qu'on étudie en classe, lui permettront de répondre aux questions de l'enseignant, renforceront sa confiance en lui et commenceront à miner, à faire perdre pied son voisin qui, lui, justement, ne comprend pas, hein, ne comprend pas les questions, ne comprend pas ou mal ou imparfaitement le texte. Donc ça, c'est le premier clivage qu'on appelle socio-culturel. Il existe encore des différences quant au fonctionnement du cerveau. Chacun de nos hémisphères est spécialisé d'une certaine façon. Le cerveau droit analyse les données sensorielles, les enregistre, les traite, les classe. Le cerveau gauche élabore des abstractions, conduit des processus de conceptualisation. Schématiquement, un enfant qui est dominant droit, il photographie naturellement et il peut généralement être bon en orthographe. L'enfant dominant gauche, c'est le contraire. Il est plus à l'aise dans l'abstraction, il sera plus doué en mathématiques, il sera dysorthographique éventuellement. Ça n'est pas par mauvaise volonté. Voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne. Bon, il faut encore ajouter les différences évidemment liées au parcours individuel. Ce qui a trait notamment aux événements familiaux, à la fratrie, à l'état de santé, mais aussi ce qui se passe dans la cour de récréation, les liens d'amitié ou les hostilités. Enfin, la relation que l'enfant entretient avec chacun de ses deux parents, présents ou absents, et la façon dont ceux-ci ou leurs substituts exercent l'autorité dans l'espace familial. Alors tout ça, ça compte. Autre façon d'aborder le problème, la naissance des pédagogies alternatives. Point important, elles ne sont absolument pas nées d'une carence devenue évidente de la pédagogie classique. Si on veut avancer dans le concept dans l'élaboration du concept d'une éducation populaire, il est essentiel de prendre en compte ce qu'on peut appeler la prégnance de la norme. Celle-ci est par nature hégémonique. Et a priori, dans son domaine de validité, on ne conçoit rien en dehors d'elle. Exemple, j'ai apporté une planche, les normes relatives au corps de la femme. Bon, vous voyez qu'elles existent absolument dans toutes les sociétés, et tant qu'elles sont valides, eh bien, elles sont obligatoires. Voilà, on ne peut pas s'en passer. C'est la même chose pour l'école. En fait, les pédagogies alternatives, donc celles dont que je vais aborder simplement aujourd'hui, c'est-à-dire la pédagogie Freinet et la pédagogie Montessori, eh bien, elles sont nées d'obstacles matériels à la mise en œuvre de la pédagogie classique. On ne pouvait pas faire de la pédagogie classique normale, hein, normative, alors il a fallu inventer autre chose. La pédagogie Montessori. Maria Montessori, elle est d'abord médecin. Elle est en charge d'un centre qui s'occupe d'enfants débiles mentaux. Et elle découvre avec effarement qu'ils n'ont droit à aucun jouet, ces enfants-là. Ils n'ont aucun objet à leur disposition. Alors ça, je me souviens plus exactement, mais c'est tous les enfants qui sont justement pas adaptés au système scolaire parce que ils sont débiles ou considérés comme débiles. Hein. Là aussi, enfin, bon, je voudrais parler de Daniel Ortega, qui est un enfant espagnol mongolien qui a un diplôme bac plus 5. Là aussi, il faut se poser des questions hein, sur le regard qu'on porte sur certains enfants, certaines pathologies. Ce qu'elle découvre à cette occasion-là, c'est que dans une véritable éducation, il faut impliquer la totalité de la personne, et notamment le corps et notamment les organes des sens. Le côté tactile est extrêmement important dans une pédagogie Montessori, ça vient de là. Ensuite, elle va se retrouver en charge d'enfants des rues, normaux, mais dans des familles très pauvres, qui ne sont pas scolarisées encore. Et donc, elle va les prendre en charge et elle va continuer l'élaboration de ses principes. Alors, ça vient de là, hein, les outils, la pédagogie Montessori, elle est basée sur des outils d'apprentissage. Voilà. La pédagogie Freinet. Aujourd'hui, Célestin Freinet est perçu comme une personnalité de premier plan dans ce qu'on appelle l'éducation nouvelle. Il a été un militant du Parti communiste et effectivement, à ce moment-là, dans cette mouvance-là, Parti communiste et autour, on prend conscience de ce que on est dans la discrimination sociale. Bon, mais aussi bizarre que ça puisse paraître, la pédagogie Freinet ne naît pas justement de cette nécessité de combler le retard social des enfants. Elle naît de l'école de son premier poste, donc au bar sur Loup, où il se retrouve avec une classe unique où il y a des enfants de tous les âges, des enfants qui ont des compétences extrêmement variées, et c'est à partir de là qu'il va inventer effectivement sa démarche pédagogique spécifique. Alors, la pédagogie institutionnelle, elle dérive, elle, de la psychothérapie institutionnelle. L'homme de la situation, il s'appelle Jean-Houry, et lui aussi, c'est un état de carence qui va l'amener à inventer la psychothérapie institutionnelle. Il se retrouve dans un asile pendant la guerre, où, à cause de la guerre, le personnel infirmier manque, et là, il va embarquer, grâce à son frère Fernand, les principes de la pédagogie Freinet, et il va les transformer, et quand ça va faire retour à l'intérieur du champ de l'éducation nationale, ça va donner la pédagogie institutionnelle. Alors, la découverte fondamentale qu'a fait Jean-Houry et qui va être importée à l'intérieur du champ pédagogique par Fernand Houry, c'est le rôle structurant de la loi. Hein. Alors ensuite, autre façon d'aborder les choses, c'est ma troisième partie, c'est un problème de pouvoir. Si on essaye d'appréhender la différence essentielle entre la pédagogie normative, normale et les pédagogies alternatives, eh bien, ce qui paraît décisif, c'est la nature du pouvoir qui s'y exerce. Dans la classe ordinaire, le maître ou le professeur est détenteur d'un pouvoir absolu. Ce pouvoir est assimilable à celui qui s'exerçait dans les monarchies de droit divin. Dieu se tient en général à ce moment-là dans le bureau du directeur ou du principal ou du proviseur. Mais en attendant, eh bien, le maître ou le professeur est un monarque qui use plus ou moins bien de son pouvoir et plus ou moins d'autorité et de légitimité. Mais au bout du compte, du point de vue des élèves, il a toujours le dernier mot. Et s'il le peut, il agit selon son bon plaisir. Voilà. Dans la classe Freinet ou pédagogie institutionnelle, ce qu'on a, c'est une démocratie parlementaire. L'autorité souveraine dans la classe Freinet, c'est l'instance du conseil. Celui-ci se tient une fois par semaine dans le cadre de règles extraordinairement précises et décide collectivement de la loi et des affaires courantes. Bien sûr, il y a le maître et seulement le détenteur du pouvoir exécutif. Il y a une loi sous-jacente, bien sûr, qui est que on est dans l'établissement scolaire pour apprendre, mais pour le reste, eh bien, les élèves décident. Dans la classe Montessori, ce qu'on a, c'est une anarchie heureuse. Dans la classe Montessori, il n'y a que deux principes. Le premier principe, c'est la courtoisie, obligatoire entre les élèves et obligatoire entre les enseignants et les élèves. Et le second principe, c'est la liberté. Chaque matin, chaque enfant décide de faire ce qu'il veut. Il est simplement limité par l'espace. Par exemple, dans une classe que j'ai connue, il y a 4 places pour faire de la peinture. Donc, une fois qu'il y a 4 enfants qui se sont décidés pour la peinture, ça s'arrête là. Et puis, évidemment, par les outils dont j'ai parlé tout à l'heure. Et à ce moment-là, effectivement, chacun va choisir ce qu'il veut faire. Alors, s'il ne veut rien faire, il ne fait rien. Ou plus exactement, il fait ce qui lui plaît. Je vous donne rapidement l'exemple de mon fils. Il adorait parler. Il avait trouvé un camarade, Olivier, qui adorait parler aussi. Donc, dès que l'entrée du matin était faite, ils s'embarquaient tous les deux au premier étage, ils se mettaient autour d'une table et ils parlaient. Voilà. Ils avaient énormément de choses à se dire. Ensuite, à 10h, comme il y avait un snack, ils descendaient préparer le snack pour tous les autres. Ils le distribuaient parce que comme ça leur permettait de garder les restes. Ils adoraient aussi manger. Voilà. Donc, ils remontaient à leur table avec les restes. Ils se faisaient leur petit snack et ils reprenaient la conversation. Bon, ça l'a pas empêché. Actuellement, il est en internat de psychiatrie, vous voyez. Donc, c'est pas un problème, je vous le garantis. Alors, quelques activités collectives sont proposées de temps en temps, mais si l'enfant ne veut pas y participer, il n'y participe pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, quatrièmement... Ce que la pédagogie alternative rend possible. Le gain essentiel pour l'enfant dans ces pédagogies alternatives, c'est davantage de liberté. Je vais essayer de prouver maintenant que, contrairement à ce qu'affirme l'opinion commune, cette liberté supplémentaire, elle peut contribuer à la réussite scolaire. Alors voilà comment. Je vais commencer par examiner ce que cette liberté évite. Dans l'école caserne, et l'expression est de Fernand Houry, qui a écrit une chronique de l'école caserne qui est parue en 1972, chacun est supposé faire la même chose au même moment. Eh bien, en fait, tout le monde perd l'essentiel de son temps. L'enseignant qui n'atteint au mieux qu'un tiers des élèves, ceux des élèves qui savent déjà ce qui est en train d'être enseigné et ceux qui n'ont pas les bases suffisantes pour comprendre le savoir que l'enseignant tente de dispenser. Et en plus, ce dispositif, il s'apparente à du dressage puisqu'il faut nécessairement faire ce que le maître a décrété et le faire en plus de la façon spécifiée par lui. Par exemple, en mathématiques, faut faire un raisonnement abstrait, alors qu'un dominant droit, ça ne peut pas marcher pour lui, un raisonnement abstrait. Il est obligé de passer par le truchement d'un schéma, d'une figure, etc. Bon, alors on passe. Finalement, on ne produit de l'humanité qu'en la postulant. Si vous n'accordez pas la liberté aux enfants... vous ne leur donnez pas la possibilité de conduire librement leur esprit et donc d'apprendre. On ne peut pas apprendre le par cœur, c'est pas de l'assimilation, voyez. On ne peut apprendre qu'en conduisant librement son esprit. Alors, le schéma de base de l'échec scolaire, dont il y a lieu de penser que c'est avant tout un échec du processus de la scolarisation, il est toujours le même. Je reviens à la souffrance dont j'ai parlé en introduction. La consigne comporte, par exemple, des termes que l'enfant ne comprend pas, dont il ignore le sens. Il y en a déjà 3 qui ont levé là, le doigt. Le maître, il veut passer à la suite, il en peut plus, donc il enchaîne. L'enfant ne parvient pas à effectuer le travail. Il est sanctionné par une mauvaise note. Cette mauvaise note entraîne une dépréciation du maître, des parents ou des camarades. Comme il ne veut pas à nouveau se voir infliger cette blessure narcissique, eh bien, il décide plus ou moins consciemment de cesser de travailler ou de cesser de faire des efforts. Et quand on lui demande des comptes sur ces mauvaises notes, il dit « c'est parce que j'ai pas voulu le faire, c'est parce que ça m'emmerdait, etc. » en fonction de l'âge. Oui. C'est ça, hein. Il renvoie la balle, en fait, hein. On m'a dit que j'étais nul, très bien, je suis nul. Eh ben, je vais être nul, hein. Si je suis nul, je vais l'être. Bon. effectivement, il y a un processus d'identification. Alors, à ce contresens pédagogique fondamental, il faut ajouter l'immobilité contrainte du corps qui caractérise l'essentiel de la journée scolaire classique. Et cela, souvent, dès la grande section de maternelle. Il n'y a rien de plus antinaturel. Si vous avez vu sauter un jeune chevreau, vous voyez, c'est très beau, hein. Il saute sur place à peu près comme un ressort. Ou jouer un petit chat. Eh bien, ce que vous comprenez, c'est que cette activité gratuite, qui paraît gratuite, elle est essentielle. En faisant ça, en faisant le jeu, l'animal fait à la fois l'épreuve de son corps et l'épreuve du monde. Et la façon la plus naturelle de les ajuster l'un à l'autre, c'est de tout essayer. À tout ce qui est juvénile, il faut du jeu. Hein. Du jeu d'abord entendu dans le sens de la libre disposition de son corps, la possibilité des espaces de liberté, la possibilité d'improviser, la possibilité d'expérimenter, d'essayer, etc. C'est l'intuition fondamentale de Maria Montessori. Mettre à la disposition des enfants des objets qui sollicitent le corps dans le processus d'apprentissage et qu'ils puissent en user librement. L'intuition de Célestin Freinet, c'est de permettre à l'enfant de conduire lui-même son apprentissage. Dans cette dernière famille pédagogique, Freinet Pédagogie Institutionnelle, la liberté est là aussi au sens politique du terme, c'est-à-dire au sens d'organisation de la communauté éducative. C'est le conseil qui en constitue l'instance fondamentale. En instaurant la loi, il va faire de la classe, pour chacun des enfants, un espace où il est en sécurité. Non seulement ça va de soi, hein, par rapport à une possible agression physique, mais surtout à l'égard de ce qui pourrait porter atteinte à sa dignité, y compris la parole blessante du maître. Hein. Ils n'en sont pas avares de temps en temps. De façon significative, et tous les praticiens des pédagogies alternatives de cette filière-là le savent, la première loi qui émerge est immanquablement « il ne faut pas se moquer ». Voilà. Donc la première blessure, c'est celle-là, c'est la moquerie des autres. Alors autrement dit, ces pédagogies alternatives, on peut les appréhender comme celles qui instaurent l'instance d'un tiers. On n'y est jamais dans le face-à-face destructeur entre le maître et l'élève. Dans le cas des pédagogies Freinet, c'est la loi qui est ce tiers. Et cette loi, elle va être doublée par un camarade plus compétent, qu'on va appeler un grand dans certaines matières, ou qu'on va appeler en pédagogie institutionnelle une ceinture noire. Hein. En pédagogie institutionnelle, un enfant peut demander de l'aide à un autre en fonction de la couleur de sa ceinture. Ça peut être ceinture noire en maths ou ceinture noire en français, etc. Et donc l'enfant va aller vers la ceinture noire pour lui demander de l'aide. Si le maître est trop occupé. Dans les écoles Montessori, c'est la règle, et à cette règle de la courtoisie et de la liberté s'ajoute le fait que les parents sont invités une fois par an à faire une demi-journée d'observation dans l'école, et donc on va toujours avoir dans l'espace scolaire un père ou une mère, ce qui peut être aussi très important pour l'enfant, pas simplement pour l'enfant dont c'est le père ou la mère, mais pour les autres aussi. Hein. Il est assis en silence, il n'intervient jamais, mais par contre, si l'enfant lui demandait quelque chose, il va pouvoir le faire. Bon, ce que cette liberté engendre, ces dispositifs pédagogiques qui vont ménager justement à l'enfant une latitude d'être, vont lui permettre de développer, de se développer au plus près de sa singularité. Et donc, c'est... Je finis juste la phrase, c'est l'exact opposé de la pédagogie classique. Alors, dans la pédagogie Montessori, on est entièrement axé sur le développement de l'autonomie. C'est-à-dire, c'est l'enfant qui s'assigne à lui-même sa règle. Et donc, c'est une pédagogie dans laquelle s'épanouit de façon privilégiée la personnalité, la créativité. Dans la mesure où l'enseignement peut seulement lui proposer telle activité, rien n'interdit à l'enfant de consacrer tout le temps qu'il jugera bon à l'activité qu'il trouve la plus intéressante. En dehors des propositions courtoises, le rôle de l'enseignant Montessori, c'est d'exposer, de rappeler la règle, c'est d'expliquer le fonctionnement des outils et, au cas par cas, de répondre à la demande de tel enfant. Je me rappelle d'une demi-journée d'observation dans l'école Montessori où j'ai vu la maîtresse expliquer pendant une demi-heure à 40 minutes toutes les propositions circonstancielles à Karim, voilà, qui était un ami de Jordaël. Alors Karim, c'est pas, il a pas fait une école d'ingé et la psychiatrie, mais il a fait l'ENA Sciences Po, je crois, voyez, voilà, dans une école où on fout rien, d'accord. Bon, donc c'est important de comprendre ça. Alors, fait significatif. Les enfants Montessori n'ont pas besoin de récréation. Voilà. Ça devrait alerter tout le monde. Bon. En pédagogie Freinet, la pratique de l'enseignant se décline à la fois sur l'axe de la pertinence de l'apprentissage et aussi sur le développement de la créativité. L'outil privilégié de cet apprentissage, c'est le fichier autocorrectif. Grâce à ce dispositif, qui est aussi un moyen de restaurer la liberté de circulation, c'est-à-dire d'empêcher ce corps immobile qui est si peu naturel, eh bien, chaque enfant travaille très exactement au niveau qui est le sien, de façon à acquérir progressivement les connaissances qui lui manquent, et ceci à son rythme propre. Il explore une difficulté par une suite d'exercices qu'il corrige lui-même, et puis quand il maîtrise bien cette difficulté, eh bien, il se soumet à une évaluation corrigée par l'instituteur. Et dans ces conditions, on comprendra que passant par la satisfaction de la réussite, il est encouragé à poursuivre son apprentissage. Ce dispositif de base va être validé par ce que j'appellerais la mise en œuvre. Par exemple, sur le plan de la maîtrise de la langue, le texte libre, le journal, la monographie, sont autant de modalités de mobiliser les savoirs fondamentaux, lire, écrire, orthographier, qui vont trouver une consécration dans le caractère d'imprimerie. Alors Freinet, il utilisait des vrais caractères d'imprimerie, ensuite on a fait la Ronéo, et maintenant on a l'ordinateur. Relevons que dans les phases d'autonomie de ces deux pédagogies, l'enseignant est entièrement disponible. Pour un élève qui rencontre une difficulté, il peut passer autant de temps que nécessaire avec l'enfant pour lui expliquer ce qu'il n'a pas compris. En guise de conclusion, je suis dans les temps quand même. Bon, j'ai écouté en achevant de préparer cette intervention celle de Niels qui évoquait sa vision de l'avenir, le tout technologique, le transhumanisme, la robotisation. Ma vision à moi est complètement différente. Au moment où je vous parle encore, dans nombre de champs, le sol est tellement saturé d'eau qu'on ne peut pas procéder au semis comme on le fait habituellement au mois de juin. Par ailleurs, alerté par un petit rien, les cerises qui pourrissent, qui arrivent à 50 euros le kilo, j'ai enquêté, j'ai découvert qu'il y avait une nouvelle espèce invasive, qui est donc une petite mouche. Cette petite mouche, elle ponce ses larves dans les fruits pas arrivés à maturité. Et elle attaque absolument tous les fruits. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde dans lequel on s'engage, c'est celui des pénuries alimentaires. Et donc, c'est celui de la spéculation sur les céréales, par exemple. Parce que les spéculateurs ont trouvé qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus intéressant que l'or, les céréales. Hein, ce qu'on appelle l'effet de King. Si vous spéculez sur la nourriture, quand il n'y en a pas, le prix tend vers l'infini, c'est merveilleux. Bon, évidemment, le deal, c'est que quand il y en a trop, ça s'effondre vers zéro. Bien. Mais tout ça, ça veut dire que cet avenir, eh bien, il faut absolument le préserver en réussissant à la fois la transition économique, la transition écologique et la transition énergétique. Et cet avenir encore possible, il est commandé par l'éducation. Et à deux niveaux. D'une part, il faut enseigner aux enfants à vivre dans un monde fini, un monde à préserver par chaque geste quotidien. Et d'autre part, il faut leur donner les outils d'une mutation de civilisation. Il faut en effet rompre avec l'économie de la dévastation, avec le mythe du développement infini. Et ça veut dire qu'il faut à la fois développer la créativité de tous. Et vous comprenez que ça signifie développer la créativité de chaque individuellement et poser les bases d'une nouvelle société dont l'axe principal serait le développement humain. Merci beaucoup pour cette très intéressante intervention. Donc du coup, si vous voulez des précisions ou des questions, si vous voulez des précisions ou des questions à propos de ce sujet-là, n'hésitez pas à les poser. Il y a un temps pour ça. Je suis pas arrivé au début, je suis arrivé un peu. Je viens d'arriver il y a 5 minutes, mais j'ai entendu parler depuis longtemps de Montessori et de Freinet. Il y a aussi la méthode de Steiner, Rudolf Steiner aussi, qui est très intéressante. Voilà. C'est tout pour le moment. Alors absolument, mais c'est vrai que j'ai voulu m'en tenir à ces deux-là, d'abord pour centrer quand même sur une analyse commune, et aussi parce que je les connais. Il y en a une que j'ai observée et il y en a une que j'ai pratiquée pendant de longues années. Voilà. Je sais pas, vous m'entendez ? Moi j'avais une question sur la méthode Montessori que je découvre un peu parce que j'en ai entendu vaguement parler, mais est-ce parce qu'on entend souvent que les jeunes, justement en sortant de cette école-là, et quand ils intègrent le collège, ils sont beaucoup plus perdus en fait que les autres, et les témoignages de jeunes qui ont été dans ces écoles-là disent parfois que c'est très dur de s'intégrer au collège justement et que le retour à la, entre guillemets, à la réalité est difficile. Qu'est-ce que vous en... C'est vrai malheureusement. Bon, en même temps, il y en a pas mal qui s'en sortent. J'avais fait aussi des petites cursives, des petites incursions ailleurs. Les deux fondateurs de Google viennent d'une école Montessori. L'un des fondateurs de Wikipédia aussi. Bon, alors, il faut ménager la transition. Moi, j'ai relativement eu peu de mal parce que mon fils m'a dit un jour, « Maman, je vais aller dans une école où on force les enfants à travailler. » Bon, il se rendait bien compte que... Alors, je lui ai dit, « Bah, très bien, mon chéri, mais ça va pas être évident, va falloir que tu te forces et va donc falloir que tu fasses ce qu'on te dit de faire. » Et à la fin de la première chose, j'ai quand même trouvé une école où on faisait une pédagogie Freinet light, mais quand même. Hein. Et à la fin de la première journée, je lui ai dit alors comment ça s'est passé. Il m'a répondu, maman, ils sont complètement fous dans cette école, il y a le matériel qui est resté autour et on est resté assis toute la journée. Voilà. Bon, mais il s'est adapté. Juste un mot, ce que tu viens de dire, ça me fait doucement rire par rapport à Google. Google, moi je suis assez critique avec Google. Alors si on a été à Freinet ou Montessori et qu'on est à Google après, alors là, bon résultat. Fermez les écoles Montessori tout de suite. C'est vrai que j'ai apporté encore une chose que je pourrais vous raconter, mais j'ai essayé d'évaluer ça. Donc, moi, j'utilise recherche avancée de Google. Je me pose n'importe quelle question, j'ai la réponse dans les 5 minutes. Alors, bon, c'est vrai que j'ai une licence de logique algorithmique, ça aide peut-être à formuler la question. Mais c'est un outil extraordinaire. Si Diderot est encore parmi nous, il tomberait en extase. Voilà. C'est génial. C'est un outil absolument génial. Bon. Et je parle pas de Wikipédia. Wikipédia, un des fondateurs, hein, je vous l'ai dit, est aussi un Montessorien. Donc, il est incontestable que ça développe la créativité. Ah, voilà. Bonjour madame. C'est pour ça. Donc, qu'est-ce que vous préconisez ? C'est en fait, ça s'adresse un petit peu. C'est un discours un petit peu de prise de conscience pour que. Ah, mais ça va. C'est un discours de prise de conscience pour que les gens commencent à. lire ce qu'a écrit Freinet, Fernand Houry ou bien Montessori pour que les gens s'ouvrent un petit peu à cette nouveauté. C'est ce que vous préconisez ? C'est ma question. Non, faut pratiquer. Hein. Faut pratiquer. Oui, alors d'abord aux enseignants. Alors, je sais que, pour l'avoir fait, je sais que à l'intérieur de l'éducation nationale, on peut pratiquer de la pédagogie Freinet, de la pédagogie institutionnelle dans une certaine mesure. Même quand j'ai enseigné la philosophie, ce que j'ai fait ces 10 dernières années, c'est possible à partir de Kant de dire ceci, le préambule de notre constitution, quelle loi allons-nous en tirer ? Et puis après, on applique la loi et ça marche très bien. Voilà. Hein. Donc c'est possible, c'est possible. Alors, on peut aussi, c'est des outils qu'on peut aussi utiliser à la maison. Hein. Par exemple, ça peut être bien, surtout au moment de l'adolescence, de faire quelque chose comme un conseil. C'est-à-dire de chaque semaine, de s'asseoir pendant une petite demi-heure, et puis que chacun exprime les problèmes, et puis qu'on trouve ensemble des solutions, comme on fait dans le conseil en pédagogie Freinet. Bon. Mais ce dont je suis intimement persuadée, c'est que dans la mesure où, effectivement, on part vers un effondrement systémique, eh bien, la seule possibilité, finalement, qu'on parte pas dans la dévastation sociale, ça sera le retour à l'éducation, et que là, par l'importance de la demande, il faudra faire retour à ces pédagogies alternatives. Voilà. Ouais. Alors non, je pense simplement qu'il faut savoir que ça existe. Il faut savoir que c'est une alternative à la fois, par exemple, à un taux de chômage de 25%, mettons, allez hop, hein, n'hésitons pas. Il va falloir former les gens au monde qui vient. Voilà. Non, non, fini l'usine. Fini la consommation. Fini les machines à laver qui s'entassent par centaines de milliers dans des décharges, on ne sait pas où. Terminé. Ce nouveau monde, il passe par ces pédagogies alternatives. Voilà, clairement. Et du coup, les pédagogies alternatives, il me semble qu'elles sont surtout utilisées dans des écoles privées, enfin... des écoles qui sont pas forcément accessibles à tous. Enfin, du coup, je voudrais en savoir plus là-dessus. Alors, Freinet institutionnel, c'est toujours essentiellement l'école publique. Ça dépend beaucoup, effectivement, de la bonne volonté du chef d'établissement. Voilà. Moi, j'ai eu... Ah ben oui, ah, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Alors, pour Montessori, c'est des écoles privées. Je pensais que c'était exclusivement des écoles privées. Je vois que ça commence à prendre pied dans le public. D'autre part, quand j'ai vu, parce qu'effectivement, dans l'école Montessori en question, il fonctionnait par tranche d'âge de 3 années. Hein, 3 ans, 6 ans, et puis 7 ans, 10 ans. Bon, quand j'ai vu qu'effectivement, on réformait l'école primaire, pour partir sur des tranches d'âge élargies, je me suis dit, chic, ils vont enfin faire du Montessori. Ben non, malheureusement, mais peut-être qu'en les poussant un peu... Voilà. Je pense que c'est en train de venir. Oui, absolument, voilà. Je voulais savoir s'il y a des instituteurs qui veulent, institutrices qui veulent l'appliquer aujourd'hui. En fait, quelles sont les conditions? Parce que il me semble que le nombre d'élèves par classe actuel empêche. Non, je pense pour la pédagogie Freinet notamment, non, je pense. J'aurais tendance à dire que c'est quasiment le contraire. Ouais. Je prends par exemple mes élèves de BEP du lycée Jean Moulin. Que j'avais en français, histoire G, et en français, j'avais des fichiers autocorrectifs d'orthographe. J'avais acheté les 4 fichiers Canlaboca, hein, je pense qu'il y a encore du matériel Freinet, Donc, j'avais les 400 fiches autocorrectives plus les fiches d'évaluation. J'avais fabriqué une feuille de route, ça m'avait pris 48 heures, et la dictée non notée, comme je disais, enfin c'était un test hein, non noté, ça durait 1 heure et demie, et à partir de là, j'établissais pour chaque élève sa feuille de route, et chacun ne travaillait que sur ses carences en orthographe, travaillait pas sur autre chose. Bon, et alors en plus, pendant ces heures d'orthographe, qui sont devenues des heures délicieuses pour les élèves, j'étais assez fière de moi, faut le dire. Bon, eh bien, je faisais initiation à la musique classique. Ça se passait remarquablement bien, y compris avec 33 élèves. Voilà. Moi, j'avais une autre question. Est-ce que, parce que cette méthode de Montessori, est-ce qu'au fond, il n'y a pas quand même l'objectivité de la performance derrière l'objectif de la performance? Et est-ce que c'est pas un peu, finalement, bon, je vais caricaturer, je suis même pas sûre de penser ce que je dis, hein, mais est-ce que c'est pas un peu dans l'idée, parce que les loisirs, on peut les avoir ailleurs qu'à l'école, donc le fait d'inclure, entre guillemets, une école un peu plaisir, est-ce que c'est pas le même principe que les patrons qui vont mettre, comme chez Google, des salles de jeu, des trucs, mais où en fait, au final, c'est pour être encore plus performant? Et moi, c'est, je sais pas, hein, je me pose la question, mais est-ce que c'est pas un peu l'idée, quoi, finalement? Alors on pourrait dire ça de Freinet, mais pas de Montessori, parce que ça, et je le sais, hein, il est clair que le principe, l'un des deux principes fondamentaux, c'est la liberté. Voilà. Bon, ça veut dire qu'un élève surdoué, c'est comme ça que Karim a atterri là, hein, il venait de l'école publique d'à côté, il s'emmerdait toute la journée. Bon, un élève surdoué, il peut vraiment aller jusqu'au bout de ses possibilités. Hein. Un enfant qui est plutôt un contemplatif, qui a besoin de réfléchir, qui va rester assis, bah, il peut le faire aussi. Hein. Donc on est Montessori, c'est certainement pas la performance, quoi, clairement. Est-ce que la méthode Freinet est appliquée aussi dans les écoles maternelles? Je ne sais pas. Je pense que rien ne s'y oppose, particulièrement les réalisations collectives. Donc, quand on fait une monographie, par exemple, ça veut dire que toute la classe va composer un livre thématique. Donc, il est tout à fait concevable qu'on fasse une monographie, effectivement, maternelle, en faisant des recherches thématiques et en rassemblant les illustrations et en éditant la monographie pour que chacun ait son exemplaire. Voilà. C'est concevable, en fait. Hein. Par exemple, on peut faire des recherches thématiques en peinture sur tel thème et puis rassembler toutes les reproductions, quoi. Bon, voilà. Je voulais juste savoir si les deux méthodes, les trois méthodes sont applicables à des autres cultures où ils ont des limites. Par exemple, par rapport aux Africains, les Indiens, les Chinois, etc. Alors, il y a effectivement des limites, puisque, je ne sais plus comment il s'appelait, j'avais un collègue au Sénégal qui faisait aussi de la pédagogie Freinet. Simplement, quand on a voulu mettre en place la correspondance, qui est effectivement une des choses de la pédagogie Freinet, c'est-à-dire écrire régulièrement à un camarade au loin et recevoir ses lettres, il avait, je crois, 54 élèves dans sa classe et j'en avais un peu plus de la moitié, quoi. Voilà. Donc, on n'a pas pu mettre en place la correspondance. Je lui ai souhaité bon courage, quoi. N'empêche qu'il s'était lancé quand même. Voilà. Voilà, j'avais amené deux petits topos complémentaires. L'un sur l'aventure Sciences Po en ZEP, si ça vous intéresse. Bon, ben, je vais faire un petit topo complémentaire sur deux écueils à éviter justement pour la révolution pédagogique. La première, c'est l'illusion numérique. On a cru, avec l'ordinateur, trouver l'enseignant idéal, patient, ne se lassant jamais de répéter, capable de corriger avec amabilité, de fournir des données à la demande en un temps record et surtout n'exigeant aucun salaire. Bon. Et il est incontestable, comme je disais tout à l'heure, qu'avec des outils comme Wikipédia, Lexilogos, Open Edition, eh bien, on est capable de mener des recherches à peu près 10 fois plus rapidement qu'on le faisait il y a seulement 20 ans. Seulement avec les enfants, ça ne marche pas. Si vous placez un enfant devant un ordinateur avec les meilleurs didacticiels du monde, il ne se mettra pas à apprendre pour autant. Alors la question, c'est pourquoi ? Eh bien, je dirais que c'est parce qu'il y a une solution de continuité entre le réel et l'appareillage symbolique, verbal ou mathématique, par lequel l'humanité y assure ses prises. Bon. Toute instruction est nécessairement éducation. Et l'étymologie dit bien ce qu'elle veut dire, hein. Éduquere, c'est exducere. C'est conduire hors de quoi? Hors de l'état d'infance, infari, celui qui ne parle pas, celui qui n'a pas la parole. Et donc cela ne se peut qu'avec la main tendue et la parole donnée. Et ça, ça requiert un être humain, voilà, indubitablement. Alors pourquoi je pense ça? Parce que j'ai rapproché deux récits qui se ressemblent, l'un de Michel Serres dans « Le tiers instruit » qui explique comment il a appris à lire, et l'autre de Françoise Dolto, qui raconte aussi la même expérience. Alors Michel Serres, ce qu'il raconte, c'est que c'est son instituteur qui lui a donné le courage de se jeter à l'eau pour essayer de le rejoindre sur l'autre rive du fleuve, où on savait lire, où on comprenait ce qu'il y avait à travers ces caractères-là. Et Françoise Dolto, elle raconte comment elle annonçait péniblement ce qu'il y avait dans le livre, syllabe après syllabe, un après-midi, toute seule, elle faisait son exercice de lecture, et tout d'un coup, miracle, le sens a surgi. Voilà. Elle se souvient très précisément de ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pu le faire que parce qu'elle a vu autour d'elle des adultes qui feuilletaient avec intérêt et avec plaisir ces objets, les livres, hein. Autrement dit, toute éducation est une initiation. Elle ne peut pas faire l'économie du truchement humain. Et le bon initiateur, ce n'est pas celui qui déclame du haut de sa chair, c'est celui qui tend la main. Deuxième point, l'aventure Sciences Po en ZEP. Voilà. L'aventure Sciences Po en ZEP, en zone d'éducation prioritaire. Voilà. Alors, il y a quelques années, le ministère de l'Éducation nationale décide d'allouer des moyens supplémentaires aux établissements qui accueillent des élèves particulièrement défavorisés. Ces établissements sont sélectionnés à partir de critères chiffrés précis. Il y en a 6. Et donc, on donne quelques heures années à ces établissements pour que les enseignants volontaires puissent mener des expériences pédagogiques. C'est à ce moment-là que Richard Descoings, qui dirigeait alors l'IEP Paris, et l'un de ses collègues de philosophie, s'avisent qu'il est souhaitable qu'il y ait des futurs décideurs politiques qui connaissent la réalité des banlieues pourries. Voilà. Et donc, il faut se débrouiller pour recruter de futurs décideurs dans ces zones-là. Et ça va être effectivement l'aventure Sciences Po. Alors, particularité, ceux de ces élèves qui suivent avec succès donc la préparation qui se met en place dans les lycées à ce moment-là, à la condition expresse qu'ils obtiennent le baccalauréat, ils sont dispensés de l'écrit. Ces heures supplémentaires par rapport à leur emploi du temps de terminale, qui est quand même déjà assez lourd, sont entièrement consacrées à la préparation de l'oral, lequel comporte une épreuve qui consiste à défendre un dossier de presse thématique qu'ils ont eux-mêmes élaboré. Résultat des courses, au bout de 5 années de cette expérience, 17 des majors, c'est-à-dire des meilleurs élèves des 34 sections des instituts d'études politiques, sont issus des ZEP. Comment c'est possible ? Il y en a 9 maintenant, alors à l'époque il y en avait peut-être que 7. Alors comment ça s'explique? Eh bien, pour le comprendre, il faut commencer par dépasser notre conception marchande de la note, de l'évaluation chiffrée. Pour l'enseignement, la note est la contrepartie marchande du devoir. Elle indique précisément ce que vaut le devoir. Si le devoir est mauvais, la note est basse. Voilà. Les enfants, ça fonctionne pas comme ça, une fois de plus. Une fois qu'ils ont pris pied dans le symbolique, justement, dont je parlais tout à l'heure, ils y demeurent. Pour eux, cette évaluation chiffrée s'inscrit dans une logique qu'on peut appeler du don contre don. Si tu m'as donné quelque chose, je te donnerai autre chose en échange. Si tu m'as donné une bonne note, je travaillerai davantage au devoir suivant. C'est ce qui se passe dans la pédagogie freinée avec le fichier autocorrectif. J'ai une bonne note donc, je vais rempiler. Voilà, ça me plaît, ça me fait du bien. Ça, c'est ce qu'on appelle le bénéfice narcissique. Alors, on revient à notre propos. Les élèves de ZEP qui intègrent le module Sciences Po de ces établissements et auxquels, par conséquent, on a fait don, on a fait cadeau de l'écrit, ils vont littéralement se défoncer pour préparer l'oral du concours. Et en fourbissant leur dossier de presse, ils vont combler les lacunes qu'ils pouvaient avoir par ailleurs. Ils vont lire comme des malades, ils vont consulter le dictionnaire, ils vont faire des recherches au CDI. Et donc tout ça, eh bien, ça va faciliter magistralement la préparation du baccalauréat. Un élève de chacun de ces établissements situés en ZEP, deux dans le meilleur des cas, sont intégrés chaque année, donc, sur l'un des instituts d'études politiques. Mais ça va suffire à tirer les autres vers le haut, parce que ça les fait sortir de l'image négative qui leur colle à la peau quand ils disaient bah, « t'es à quel lycée, Jean Moulin ?» Bon, voilà. Alors, autrement dit, ah ben non, Jean Moulin à Vitry, bien sûr. C'est là que j'ai mené avec mon camarade Michel Germain et collègues cette expérience décisive du module Sciences Po. Et c'était une expérience extraordinaire. D'ailleurs, en quelques années, on a dû regagner 25 places dans le classement national. Je n'invente rien. Hein. Je veux dire, ça attire les autres aussi. De savoir que... Et alors, en faisant ces recherches, hier ou avant-hier, je suis tombée sur un article qui concerne un certain Mamadou qui pense la même chose de ce que je pense de Richard Descoings. Faudrait lui élever une statue, malgré toutes les tombereaux d'ordures qu'on a dit sur lui, parce que Mamadou, c'est du BEP à Sciences Po. Il a commencé par le lycée professionnel. Il y a un prof qui l'a tiré vers le lycée d'enseignement général. Au lycée d'enseignement général, il s'est inscrit au module Sciences Po et il a effectivement fait ce parcours absolument extraordinaire. Alors, hein? Non, je pense que le témoignage, vous le trouverez sur Internet, je ne sais plus dans quel canard. Le témoignage qu'il donne, c'est vraiment que ça vaut la peine de rentrer là-dedans. Alors, autrement dit, quand vous sortez un enfant ou un jeune de la logique de l'échec, simplement la logique de l'échec, il n'y a pas de carence rédhibitoire, eh bien, vous pouvez faire des miracles. Et les miracles, on en a besoin. Voilà, tout ça pour dire que le tropisme compulsionnel de l'évaluation chiffrée, faut arrêter avec ça. C'est une catastrophe. Bah merci beaucoup à vous. Est-ce qu'il y a un Ulysse parmi vous ou pas? Non, Ulysse, il n'est pas encore là? Non, il est... Bah, il n'est pas encore arrivé. Bon.